Et vous étiez installé comment dans l'atelier? Il y avait des établis, plusieurs établis? Oui, oui. Il y avait trois établis. Ah oui, et vous travailliez face à face avec quelqu'un d'autre? Avec des apprentis souvent. Ah oui, d'accord.